bien aujourd'hui? Oui. Alors, je vais vous re-souhaiter encore une fois une cordiale bienvenue. Aujourd'hui, c'est la suite de notre conférence d'hier et toujours sur le thème Un nouveau regard sur Genèse 1 à 3. Et vous savez, hier, lorsque Pierre nous parlait de la Genèse dans son contexte, je pense que c'était un exemple frappant de l'importance d'étudier un texte dans le contexte dans lequel il a été écrit. Hein. Lorsqu'on étudie un texte dans son contexte culturel, historique, littéraire, géographique, c'est comme si on commençait à voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. C'est comme lire un texte avec une nouvelle paire de lunettes. Alors, on découvre des choses et puis c'est quelque chose d'intéressant. On voit combien le texte est riche et que l'on peut apprendre des choses lorsqu'on sait le contexte historique dans lequel la parole de Dieu a été écrite. Alors, aujourd'hui, Pierre va continuer cette investigation historique, entre autres, et aussi avec les applications pour aujourd'hui. Alors, Pierre, alors je te redonne la parole et on t'écoute. On peut peut-être commencer par un mot de prière, hein? C'est pas, même si c'est pas le matin. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta bonté. Notre Dieu, nous te remercions aussi parce que tu as daigné nous parler, te révéler à nous. Tu nous as révélé qui tu étais, par des écrits, par des hommes, par des femmes, et par ton propre Fils, qui nous a montré dans la chair qui tu es véritablement. Et pour cela, nous te remercions. Parce qu'à cause de cela, nous bénéficions aujourd'hui de l'espérance qui est attachée à cette révélation. On te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Bon après-midi. Hein? C'est bon de vous revoir. En principe, on a 3 heures, mais on va essayer de... Je trouve que vous avez beaucoup de courage, hein? 3 heures vendredi, 3 heures samedi. En tout cas, vous êtes. Je vous admire beaucoup. On va essayer de rendre ça aussi plaisant que possible. Hein? On va avoir une petite pause là, vers, disons, là, il y a 1h30, 2h30, vers 3h moins quart à peu près. Hein? Pause à peu près 20 minutes ou à peu près, puis on va essayer de terminer vers 4h15. Puis avoir un petit peu de temps pour des questions aussi. Aujourd'hui, on ne se limitera pas juste à Genèse 1. On va aussi examiner quelques passages dans Genèse 2. On va examiner toute la question de l'image de Dieu en l'être humain. Et nous allons aussi examiner toute la question de la chute et voir comment ça peut s'encadrer dans cette hypothèse ou dans cette thèse d'un Dieu qui se révèle à un peuple qui ne le connaît pas. Comment trouver un sens à la vie? Comment peut-on expliquer l'Holocauste? Comment décider si les phénomènes paranormaux sont vrais? Comment décider si ce qu'on enseigne dans le mouvement du Nouvel Âge est juste? Ces questions sont toutes liées à la vision du monde que nous adoptons. Toute culture a une vision du monde, et cette vision du monde détermine comment nous interprétons la réalité et comment nous allons vivre. Si l'Holocauste s'est produit, c'est parce qu'on avait développé, formulé, construit une vision du monde qui déclarait que certaines personnes bénéficiaient du statut d'être humain et d'autres ne bénéficiaient pas de ce statut. Dès qu'on a passé cette étape, dès qu'on a déclaré qu'un groupe de personnes qu'on identifie de façon claire ne sont pas véritablement des êtres humains, on en fait des objets. Et dès qu'on a passé cette étape, les conditions nécessaires pour détruire, pour annihiler, pour exterminer ce peuple sont mises en place. C'est pour dire que les visions du monde sont extrêmement importantes. Généralement, les êtres humains développent des visions du monde au cours des cultures. On retrouve certains éléments qui ont tendance à revenir. Hein, je vous ai suggéré ça hier. La prédominance de la violence. La supériorité raciale. Peu importe les cultures, les époques, on retrouve constamment des visions du monde qui enseignent qu'un certain groupe est humain et qu'un autre ne l'est pas. La notion d'un univers sacré et magique, on retrouve ça à peu près partout. On retrouve des systèmes de déshumanisation et d'exploitation de l'être humain, particulièrement la déshumanisation et l'exploitation du faible, de celui qui n'a pas de pouvoir. Dans notre société, on pourrait penser aux enfants qui ne sont pas nés, le fœtus, par exemple, qui ne bénéficie pas, en termes concrets, du statut d'être humain. Aux États-Unis, par exemple, en autant qu'un enfant n'est pas né ou qu'un fœtus n'est pas sorti, n'est pas né en tant que tel, cet enfant ne bénéficie pas du statut d'être humain, c'est-à-dire qu'on peut mettre fin à l'existence de cet enfant-là et ce n'est pas considéré comme un crime. Okay? C'est-à-dire que 5 minutes avant la naissance, l'enfant n'est pas un être humain, 5 minutes après, il l'est. Il y a une question aussi de vision du monde qui se pose. La négation de la liberté humaine est un autre élément qu'on a tendance à retrouver dans les cultures. La croyance à un destin, par exemple, en est un autre. Hier, je me suis aussi lancé dans une discussion un peu controversée sur la guerre spirituelle. Hein? Ça, je le sais, à chaque fois que je soulève ça, ça soulève des questions. Bon, en tout cas, vous savez, à l'âge que j'ai... Je vous ai signalé le fait qu'aux États-Unis, et au Canada anglais en particulier, on retrouve de plus en plus de théologiens chrétiens, de pasteurs, qui enseignent que la vie chrétienne doit être caractérisée par une forme de guerre spirituelle dans le cadre de laquelle les chrétiens sont la proie constante d'esprits mauvais et doivent se prémunir contre ces influences néfastes. Dans son expression la plus extrême, et c'est ça que je fais hein, dans ce genre de conférence-là, ce que je critique, c'est vraiment les manifestations extrêmes d'une telle compréhension de la vie chrétienne. Hein, il existe une guerre spirituelle, le Nouveau Testament y fait référence, mais dans la plupart de ces écrits-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une métaphore, une image, une des images qu'on retrouve dans le Nouveau Testament pour décrire la vie chrétienne, et on la sublime, pour ainsi dire. On l'utilise pour décrire et caractériser l'ensemble de la vie chrétienne, et on établit à ce moment-là une espèce de rapport magique, mystérieux, entre la dimension spirituelle ou le monde démoniaque et le monde de l'expérience humaine. Je vous ai suggéré que si on prend le texte de la Genèse et qu'on tente de l'appliquer, qu'on tente de construire une vision du monde, je vous ai suggéré que le texte de la Genèse nous propose qu'il n'y a pas vraiment un tel rapport magique ou mystérieux entre le monde des démons, pour ainsi dire, et le monde de l'expérience humaine. Le texte de la Genèse suggérerait plutôt un rapport éthique, idéologique, entre le monde démoniaque et le monde de l'expérience humaine. Il y a possiblement des cas limites, mais je pense que si on fait une lecture de cette guerre spirituelle à partir des textes de la Genèse, ça va nous éviter peut-être de prendre des cas limites et d'en faire une application qui nous mène à développer une compréhension de la vie chrétienne qui fasse de ces cas limites-là une règle générale, une règle normale. J'aimerais juste vous suggérer, vous montrer sur la setup que j'ai préparé, qui résume un peu ce que j'ai suggéré hier en termes de parallèles. Vous savez, quand on examine une certaine position, quand on examine une vision du monde, par exemple, vous voulez aller au-delà de les structures de surface, vous voulez aller dans les structures de fond, pour ainsi dire, et comprendre dans ces structures ce qu'une vision du monde enseigne. Bon, ici, j'ai fait un parallèle entre trois choses. Le Proche-Orient ancien, la troisième vague, là, cette idéologie là, qui sublime, pour ainsi dire, la guerre spirituelle, ou qui la caractérise par ce rapport magique et mystérieux entre le monde des démons et l'expérience humaine, et le récit de la création. À la fin de la conférence, là, je vais y revenir à ce récit de la création et vous proposer une synthèse. La création trouve son origine dans la guerre. Selon l'idéologie de la troisième vague, ou de la guerre spirituelle, la création trouve, elle aussi, son origine dans la guerre. Les êtres humains sont créés pour, finalement, se battre ou combattre ou lutter contre les forces spirituelles. Dans le récit de la création, on découvre que la création trouve son origine dans la paix et la bonne intention de Dieu. Au Proche-Orient ancien, on mythologise l'univers d'une certaine façon. J'espère que je n'exagère pas, mais après avoir lu un bon nombre d'écrits, de livres sur le sujet, il semble qu'on arrive à la conclusion que l'univers est aussi mythologisé jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que les éléments de la nature sont des expressions de forces démoniaques, de démons, de forces maléfiques. Dans le récit de la création, l'univers est démythologisé. Dans le Proche-Orient ancien, les dieux sont mauvais. dans l'idéologie de la troisième vague, les puissances sont mauvaises. Dans le récit de la création, la force primordiale est bonne. Et ça, je vais en parler un petit peu plus dans quelques minutes. Au Proche-Orient ancien, l'expérience humaine est caractérisée par un rapport de conflit avec les dieux. Dans l'idéologie de la troisième vague, l'expérience du chrétien est caractérisée par un rapport de conflit avec les puissances démoniaques, c'est-à-dire qu'on vit dans un état constant de siège. Mais dans la création, l'expérience humaine se définit par la notion du partenariat avec Dieu. Et ça aussi, je vais en parler un petit peu plus tard. L'expérience humaine est caractérisée par la peur et l'incertitude. Dans l'idéologie de la troisième vague, l'expérience humaine est caractérisée par la peur et l'incertitude parce qu'on ne sait jamais d'où les attaques du diable ou de Satan ou des démons vont provenir. Ça peut être un tapis que vous avez acheté chez Walmart qui a été tissé au Pakistan, vous ne le savez pas, hein? Et sans le savoir, vous avez introduit des démons dans votre maison. Vous voyez, l'expérience humaine est caractérisée par la connaissance. Dans le texte de Genèse. Le destin des Mésopotamiens est déterminé par les dieux, etc. Le destin du chrétien est déterminé par la dimension du démoniaque. On n'a pas de contrôle jusqu'à un certain point de notre destin. On ne sait jamais quand les démons vont nous attaquer. Le destin de l'être humain est déterminé par sa relation avec Dieu, dans le texte de Genèse. En Mésopotamie, les gens dépendent des devins pour exorciser leur monde, parce qu'on tente de se prémunir, on tente de se protéger. Les chrétiens dépendent de spécialistes en guerre spirituelle pour exorciser leur monde. Et ça, si vous faites le moindrement de lecture, vous allez vite découvrir que c'est le cas. C'est-à-dire que dans cette idéologie-là, on peut être attaqué par des petits démons, des démons de force moyenne et des démons de premier ordre. Étant donné qu'on ne sait jamais à quel genre de démons on fait appel, on a affaire, il faut faire appel à des spécialistes, des gens qui ont été formés, des gens qui connaissent les méthodes, un, pour reconnaître le genre de démon auquel on a affaire, et deux, des gens qui connaissent les méthodes qu'on doit utiliser pour exorciser les démons. On doit donc faire appel à des spécialistes en guerre spirituelle, okay, qui sont, au niveau structurel, l'équivalent des devins qu'on retrouve au Proche-Orient ancien, c'est-à-dire des gens qui ont les bonnes techniques, les spécialistes. Dans la Genèse, aucun rituel n'est nécessaire pour exorciser l'univers, parce que l'univers est libre de cette influence divine, ou pas cette influence divine, mais elle est libre de cette présence innée du divin. OK? Donc, il n'y a aucun besoin, finalement, d'exorciser l'univers. Bon, ça, juste un petit résumé, finalement, de ce qu'on a fait hier. Et ce que je vous encourage à faire ici, je ne veux pas vraiment partir de débats ou de discussions violentes. Je sais que je crée beaucoup de questions dans ce que je dis, mais ce que je vous encourage à faire, c'est quand vous lisez la Bible et que vous parcourez des versets qui parlent de guerre spirituelle ou d'influence démoniaque, essayez de les lire à partir d'une perspective de la Genèse plutôt qu'à partir d'une perspective de la guerre spirituelle, là, telle qu'on l'enseigne dans certains milieux, et tenter de voir s'il n'y a pas une lecture différente qu'on peut faire de ces passages-là. Okay? Donc, c'est juste un encouragement à faire ça. Lorsque j'aurai écrit mon livre, ce que je vais faire, c'est qu'en appendice de ce livre, je vais tenter de traiter ou de fournir une interprétation quelque peu différente de certains passages difficiles qu'on nous propose de temps à autre et que vous avez sûrement à l'esprit, d'ailleurs. Bon, ça va pour ça. Maintenant, où en étions-nous hier? Voici. Bon, hier, on a vu la question de la création. On a vu que le texte de la Genèse nous enseigne que la magie n'existe pas. L'univers physique est dénué de conscience. Un morceau de bois, c'est un morceau de bois. Bon, on est rendu au point numéro 6. OK, oups. Excusez-moi. soyez patient avec moi. Là, il semble que j'ai 14, 15. Il manque la page 16 et la page 17 de mes notes. Mais n'ayez crainte, je vais les trouver. Entre-temps, on peut peut-être chanter un cantique. Ouais. Un petit peu. Ah, tiens. OK. Elles étaient là où elles devaient être. Bon. Tournons à Genèse 1. Encore une fois. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel, ou le ciel et la terre. La terre était informe, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu. Avez-vous, ou vous êtes-vous déjà demandé, pourquoi l'auteur fait référence à cet Esprit de Dieu? Pourquoi tout d'un coup, comme ça? Moi, ça m'a toujours un peu fasciné, ça m'a toujours un peu intrigué comme énoncé. Vous avez déjà posé la question? Oui? Certains d'entre vous? Vous avez juste demandé qu'est-ce que ça pouvait dire? Pourquoi cet Esprit de Dieu était là? La raison en est simple et complexe. Il faut comprendre que Moïse, vous vous souvenez, Moïse, on lui a donné une mission. Sa mission, c'est de communiquer une nouvelle notion, une nouvelle perception de Dieu, hein, d'évangéliser ces païens qui sortent d'Égypte. Évidemment, Moïse était doué pour ce poste-là. Il avait certaines compétences malgré ses grandes hésitations. Dieu l'avait choisi, puis il y avait des bonnes raisons pour ça. Entre autres, Moïse était un bon communicateur. Vous savez ce qu'un bon communicateur essaie de faire? Il essaie toujours de créer des ponts avec l'auditoire. Et là, Moïse fait face à quelques difficultés d'ordre idéologique. Les Israélites en Égypte sont des païens. Et les païens ont cette notion que l'univers est contrôlé par une espèce de force primordiale qui est maléfique, qui est néfaste, qui annonce le désastre pour l'homme, pour l'être humain. Et cette force, cette puissance primordiale, savez-vous ce que c'est? C'est le vent. Ce sont les vents. Dans les mythologies mésopotamiennes, les vents ont une connotation négative. Elles annoncent la destruction de l'être humain. Hein, quand on pense au vent, c'est très, très négatif. C'est un peu comme penser aux impôts. Tu sais, quand on dit impôts, on a tous, on tremble tous. Quand lorsque le Mésopotamien pensait au vent, il tremblait. C'était très négatif. Or, regardez ce qui se passe. L'Esprit de Dieu, en hébreu, le mot « esprit », c'est le mot « rouach ». Et ce qui est intéressant, c'est que le mot « ruach » en hébreu peut être traduit par « esprit », mais également par « vent », le vent. Le vent de Dieu planait sur la surface de la terre. Vous savez, Moïse, il veut atteindre, hein? Il veut parler à la raison des Israélites, mais il veut également s'adresser à leur cœur. Et une des façons de s'adresser à leur cœur, de créer ce pont, au niveau émotif, avec ces Israélites qui sortent d'Égypte, c'est de parler du vent. Parce que pour les Israélites, le vent, ou cet esprit, c'est ce vent de Dieu, ou cet esprit de Dieu, c'est la force primordiale, c'est celle qui annonce la destruction, le malheur. Mais pas dans ce cas-ci. Dans notre texte, ce vent est personnalisé. C'est pas juste un vent qui rentre et qui détruit. C'est le vent de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est un vent personnalisé, c'est une force personnelle, raisonnable. C'est la première raison pour laquelle il fait ça. Il veut commencer à reconstruire leur monde, là. Arrêtez de penser que la force, là, est négative. Il y a quelque chose de positif, plein de compassion. Et là, il continue. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ça aussi, ça m'a intrigué pendant longtemps. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Parce que vous savez, moi, dans mon esprit, planer, là, ça a des connotations de soucoupe volante, là, tu sais, qui plane au-dessus d'une ville. Hein? Puis on sait aujourd'hui que ces soucoupes volantes, les Martiens, ils n'ont pas de bonnes intentions pour nous, hein? Parce que lorsqu'ils nous enlèvent, là, ils font toutes sortes d'expériences avec nous, là, ils mettent des choses un peu partout. Hein? Vous savez ça, on a vu ça à la télévision, dans les programmes. Là. Bon. Fait, la connotation en français n'est pas très, très positive. Mais le mot hébreu qui est là est un mot qui dénote quelque chose de très intime, de très, comment pourrais-je dire, de très personnel. C'est un mot qui est difficile à traduire en français. La meilleure façon que j'arrive là, à illustrer ce que ce mot essaie de communiquer, c'est en comparant l'attitude de parents qui ont un enfant, un bébé, là, pour la première fois. Là. OK? Je sais que Stéphane et Annie, là, ils planifient avoir un bébé d'ici 10-15 ans, là. C'est tout planifié, vous avez des dates, hein, déjà. Annie est très, très organisée, hein. Bon. Ben, je me souviens du premier qu'on a eu. Le premier, c'est bien spécial. Le deuxième, troisième, là, c'est autre chose, mais le premier est bien spécial. Et je me souviens, quand on a finalement eu le bébé, là, puis il était tout enveloppé, là. Il avait l'air d'un raisin sec un peu. Hein? Ouais. C'était quand même touchant, tu sais. Fait qu'on l'a amené à la maison. Moi, je voulais l'échanger, tu sais. On l'a amené à la maison. Et là, ce qu'on a fait quand on l'a amené à la maison, c'est qu'on l'a mis dans le berceau. Et là, mon épouse puis moi, vous savez ce qu'on a fait? On a plané au-dessus du berceau. On regardait le petit bébé dormir. Puis je me souviens pas, en tout cas la première fois, je sais pas combien de temps on est resté là à observer ce bébé-là, mais je pense qu'on est resté là longtemps. 2-3 minutes, là. Mais là, c'était extraordinaire, hein, parce que chaque fois que le bébé faisait quelque chose, là, on était tout ébahis, tout surpris. T'sais, il s'ouvrait les yeux, on pensait qu'il nous voyait. Il grimaçait, on pensait qu'il souriait. Les affaires qui sortaient de la bouche, là. D'autres bords aussi. Il mettait ça dans les couches, dans le congélateur, on gardait ça en souvenir. Il est tombé en panne l'autre jour, tu sais ça. Mais je peux vous dire quelque chose. Si, à cet instant-là, un intrus était rentré dans la maison pour faire quelque mal que ce soit à l'enfant particulièrement, je suis convaincu qu'avant même que je puisse réaliser qu'il y avait un danger, une menace, mon épouse se serait transformée en l'incroyable Hulk. Elle aurait déchiré l'intrus. Elle aurait découpé, elle aurait mis les toilettes, elle l'aurait flushé. Elle l'aurait protégé au risque de sa propre vie. Commencez-vous à voir un peu ce qui se produit là? C'est ce genre de sens, de signification que ce mot planer dégageait et tentait de communiquer. Ces Israélites avaient vécu pendant plusieurs générations avec la notion que les puissances étaient maléfiques, qu'on vivait dans un monde qui constamment menaçait l'existence humaine. Et là, Moïse tente de reconstruire, de changer leur vision du monde, et l'expression qu'il utilise, c'est ce mot « planer »,« rachaf », hein, qui exprime finalement que cette puissance-là, elle aime l'être humain, elle veille sur l'humanité, comme une mère veille sur son nouveau-né. La même intensité, le même amour, la même compassion. En français, ça ne ressort pas. Hein, il plane. C'est beaucoup plus que ça. C'est Dieu, c'est Moïse qui tente d'expliquer à son peuple que la puissance primordiale, le vent primordial, l'Esprit de Dieu veille sur l'être humain. Ce qui me dépasse dans ce texte-là, c'est que ce que le texte dit à propos de l'esprit, cet esprit qui plane, qui est actif, nous enseigne aussi que l'Esprit de Dieu n'est pas une entité cachée là, dans le monde des dieux. Parce que c'était difficile quand vous étiez mésopotamien de contacter les dieux, parce que les dieux étaient loin. Il y avait juste les prêtres, les rois qui avaient une chance de contacter les dieux de temps en temps. Autrement, le simple mortel était plutôt laissé à lui-même. Dans ce cas-ci, le texte indique que l'Esprit de Dieu est actif, qu'il agit dans l'histoire de l'humanité. Et que cette action ne porte pas simplement sur la race humaine en tant que collectivité, mais cette action touche chaque être humain, chaque individu. Il n'en est pas ainsi dans la plupart des visions du monde, dans la plupart des religions du monde, ou même dans les mythes, qu'on pense au mythe de l'évolution, par exemple. Vous savez, le mythe de l'évolution, c'est extraordinaire. Hein? Il y a quelque chose là qui fait vibrer l'imagination. Hein? Tu sais, quand on pense à la race humaine là, qui progresse, hein? Ce grand mythe là, de la progression de la race humaine, et un jour, on va arriver à cet état de surhumain, là, hein? La grosse tête, le petit corps, là, je ne sais pas trop à quoi on va avoir de l'air, là, si ça se produit. Mais ça, c'est bien beau. Mais dans un mythe comme ça, il n'y a pas de place pour l'individu. Parce que tout ce qu'on est dans le mythe de l'évolution, dans la théorie de l'évolution, tout ce que nous sommes, chacun de nous, c'est simplement un engrenage. Hein? On est une des petites, comment on pourrait dire ça, là, tu sais, l'échelle, là. Un des chaînons, un des dons. Hein? On est juste un chaînon. Dans ce grand projet-là de créer cette espèce de Superman là, à la fin du processus d'évolution. Mais on n'est rien. La minute qu'on a propagé nos gènes, il n'y a plus aucun sens à notre vie. Dans le récit de la création, il y a une signification qui est attachée non seulement à l'existence de la race humaine, mais aussi à l'existence de chaque individu. Pour moi, cette notion de l'Esprit de Dieu qui travaille dans l'univers est une source d'espérance extraordinaire. Je vous ai dit hier que Viktor Frankl a dit que le prisonnier, là, dans un camp de concentration, qui perdait sa foi en l'avenir, la foi en son avenir, se condamnait à la mort. Ça prenait une raison profonde et concrète pour survivre les camps de concentration. Et de temps à autre, une personne pouvait perdre cette raison. Elle pouvait perdre cette raison de vivre, cette foi en l'avenir. Vous savez où ce qui se passait? La personne se laissait mourir. Le monsieur décidait de ne plus se lever le matin. Ça, c'était dangereux dans les camps de concentration de ne pas se lever, hein? Parce que les gardes rentraient, là, puis là, ils poussaient deux, trois fois, puis tu ne te levais pas, ils te tiraient dans la tête, hein? Les autres prisonniers tentaient de le raisonner. Lève-toi, lève-toi, sinon tu vas te faire tuer. Mais quand la personne avait perdu toute raison de vivre, toute foi en l'avenir, il n'y avait rien à faire. Le monsieur restait couché, puis attendait qu'on vienne le tuer. Dans un cas en particulier, il raconte l'histoire d'un monsieur qui avait eu un rêve. C'est au mois de février. Et dans son rêve, on lui avait révélé que le camp dans lequel il se trouvait serait libéré le 31 mars. Fait que là, il se lève le matin, il dit ça à Victor. Il dit, hey, c'est incroyable. Il dit, j'ai un rêve, le camp va être libéré le 31 mars, en 1945. Là, ça a changé sa vie, là. Il y avait de l'espérance, il faisait tout pour survivre. Le 15 mars, aucun signe de libération. Le 20 mars, aucun signe de libération. Le 29 mars, aucun signe de libération. Le 31 mars, le monsieur est mort. Une grippe, un virus, on ne sait pas trop quoi. Il avait perdu toute espérance. Tout d'un coup, là, cette planche de salut qu'il avait reçue là, dans son rêve s'est avérée ne pas être juste. Et au fur et à mesure qu'il réalisait là, que ça n'allait pas se produire, il perdait la foi en l'avenir, en son avenir, puis il est mort, comme ça. La notion, la conviction que l'Esprit de Dieu est présent dans notre monde, dans nos vies, pas juste dans la mienne, celle de mon prochain est pour moi une source d'espérance extraordinaire. Ça me donne confiance en moi-même, parce que je sais que l'Esprit de Dieu est dans ma vie. Ça me donne confiance aussi en les autres, parce que je sais que Dieu, l'Esprit de Dieu travaille dans leur vie. Ça me donne une confiance qui me permet de travailler à long terme dans l'Église, dans la communauté chrétienne, qui me permet de travailler à long terme au sein de ma famille. Vous savez, créer une famille et avoir des enfants, c'est quelque chose de long terme, cela, et ça finit jamais. Moi, je pensais, tu sais, à 18 ans, les enfants sont partis, on n'y pense plus. Hein? Je commence à découvrir que ce n'est pas le cas. Mon plus vieux a 18 ans, il est resté aux États-Unis, il est rentré dans les Marines, là, hein? J'aime pas ça le dire, mais enfin, je le dis pareil. Bon, écoutez, c'est mon garçon, je peux pas le dézoner. C'est que souvent. C'est un projet à long terme, construire une famille. Mais qu'est-ce qui permet d'avoir le genre d'espérance que ça vaut la peine de le faire? Qu'est-ce qui permet d'avoir le genre d'espérance que quand on a des chicanes, des conflits, puis des fois, moi je sais pas si, moi ça nous est jamais arrivé de nous chicaner, là, entre moi et ma femme, là. Non, des fois ça arrive. Puis des fois c'est sérieux. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'espérance que ça peut marcher? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'espérance qu'on peut sauter par-dessus, qu'il y a de l'avenir après la chicane? Que ce soit dans une famille, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une église. Les églises, des fois, ça n'arrive pas souvent. Des fois, on a des petits conflits. Des fois, on a des petites crises. Okay? Les églises du Québec, on pas juste les églises du Québec. Les églises partout, des fois, on a des crises. Mais qu'est-ce qui fait que, au-delà de la crise, on peut voir un avenir? Si on n'a pas cette conviction profonde que l'Esprit de Dieu travaille dans notre communauté, on va tout abandonner. On va dire, ça ne vaut pas la peine. L'histoire de la communauté chrétienne, c'est de la foutaise. Hey, pardon. Hey. Ça fait 4 ans que je n'ai pas donné une conférence en français. Je réalise jusqu'à quel point je commence à être handicapé. Si la France n'avait pas abandonné le Québec non plus, on parlerait tout français, il y aurait une petite enclave là, anglophone dans les cantons de l'Est. Hein? En tout cas. Enfin, je fais de mon mieux. Mais qu'est-ce qui fait qu'on dit que c'est pas de la foutaise? Je sais que dans mes années là, où j'étais impliqué dans le comité pastoral à Saint-Laurent, on a vécu des choses difficiles. Puis à chaque fois qu'on vivait quelque chose de difficile, il fallait que je prenne une décision. Est-ce qu'on persévère ou est-ce qu'on abandonne? Puis ce qui m'a permis de persévérer au-delà de la crise, puis de voir un avenir au-delà de la crise, c'est le fait que j'étais convaincu que Dieu travaillait autant dans la vie des autres que dans ma vie, puis que Dieu se préoccupait de cette communauté-là. Ça peut, je ne sais pas si ça a l'air anodin pour vous, mais plus je vieillis, là, plus je fais face à des situations parfois qui sont difficiles, plus ça, c'est mon rocher. Là. Tu sais, j'arrive dans le fin fond, là, puis dans le fin fond, là, j'ai cette conviction que Dieu est à l'œuvre, que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Puis ça me donne l'espérance. Ce n'est pas de la naïveté. Il y a une différence, des fois, entre être naïf et être réaliste. Des fois, on est trop réaliste, on devient cynique. Le cynisme, c'est terrible, ça. Hein? Tu sais, il y a des professeurs, là, tu sais, les professeurs de Bible, de théologie, des fois, là, quand on atteint 45, 50 ans, des fois, on devient cynique. Des fois, je vois ça chez mes collègues. Hein? Terrible. Un virus, ça. Ça, là, c'est pire que d'avoir... c'est pire que de souffrir du virus Ebola, là. Ça infecte les étudiants. Les professeurs ne s'en rendent pas compte. Des fois, tu sais, j'ai des discussions avec mes collègues. Écoutez, là, si on commence à être cynique, là, les étudiants vont capter ça immédiatement, là, puis c'est leur foi qu'on est en danger. C'est leur foi en l'avenir, c'est leur foi en Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on ne sera pas cynique? Qu'est-ce qui va nous empêcher de devenir cynique alors qu'on atteint 40, 45, 50 ans? Où ça devient des fois un peu plus facile de devenir cynique parce qu'on voit les défauts puis des gens, puis on voit les échecs de nos tentatives, puis on fait face à nos limites. Dans ma vie, ce qui m'empêche de devenir cynique, c'est cette conviction que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, est actif. C'est cette conviction qui résulte qu'il y a donc un avenir pour nous, parce que Dieu est dans notre avenir. Je suis convaincu qu'une des raisons, qu'une des causes pour lesquelles on a un taux de suicide élevé chez nos jeunes ici au Québec, c'est le fait qu'on vit dans une société qui, depuis à peu près 30 ans, a évacué le spirituel, du moins le spirituel là, à caractère chrétien, on ne l'a pas remplacé avec rien. On a laissé une espèce de vide. Vous savez, quand on laisse un vide, il n'y a plus de justification pour l'espérance. Il n'y a plus de justification pour l'avenir. Tout ce qui nous reste, c'est le présent. On perd notre passé parce qu'on s'en coupe. On nous retire notre avenir parce que, bon, à la limite, dans le sécularisme, il n'a pas d'avenir. Tout ce qui nous reste, c'est le présent, puis on sublime le présent. Quand tout ce qui nous reste, c'est le présent, il ne reste plus d'espérance. L'être humain ne peut pas vivre sans espérance. L'être humain a besoin d'un avenir pour donner un sens à son présent. Quand on perd l'avenir, le présent perd son sens. Et ça nous laisse dans un désespoir. Et je suis convaincu que nos jeunes, en particulier, qui sont plus vulnérables à cette vision du monde sécularisé là, qu'on nous impose depuis 25-30 ans, je suis convaincu que nos jeunes sont plus affectés par ça que nous qui sommes peut-être un petit peu plus vieux. Question? Un nouveau rapport entre le Créateur et l'humanité. Genèse 1:26. On avance, hein, voyez-vous, c'est extraordinaire. On a fait 25 versets d'un coup. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Cette question de l'image de Dieu en est une qui est très intéressante. Et si j'étais pour vous poser la question, à savoir, comment est-ce que vous comprenez l'image de Dieu? C'est quoi l'image de Dieu? Je suis convaincu, pour l'avoir fait plusieurs reprises, qu'on dirait, ben, l'image de Dieu, c'est notre intelligence, c'est notre capacité de montrer la compassion, c'est notre capacité d'être créateur. C'est la capacité d'aimer. Vous savez, on ferait toute une liste de capacités humaines qu'on a pour définir ce qu'on entend par image de Dieu. Évidemment, un des problèmes avec une telle définition, c'est que si on définit l'image de Dieu en termes de qualité comme celle-là, qu'est-ce que ça implique pour quelqu'un, par exemple, qui est handicapé au niveau intellectuel? Il y a des gens qui sont très sévèrement handicapés. Qui ne semble pas peut-être avoir là, de façon mesurable, pour ainsi dire, ces capacités-là. Est-ce qu'à ce moment-là, ces gens-là ne sont pas à l'image de Dieu? À ce moment-là, est-ce qu'ils ne bénéficient pas de la protection qu'implique le fait qu'on est à l'image de Dieu? Je vous dirais que c'est peut-être une catégorie incorrecte à utiliser. Dans Genèse, la notion d'image de Dieu n'est pas tellement liée à ces caractéristiques que nous avons. Elles sont impliquées par l'expression, mais c'est pas vraiment. L'expression ne peut pas vraiment être définie en termes de ces caractéristiques-là. L'expression fait allusion à une autorité qu'un suzerain donne à son représentant. Quand le texte dit « Faisons l'homme à notre image », essentiellement, ce que le texte est en train de dire ici, c'est que Dieu déclare que la race humaine est représentante du roi divin sur la terre. C'est-à-dire que Dieu donne à la race humaine l'autorité de gouverner, l'autorité de gérer l'environnement. Dans ce sens, l'humanité devient le partenaire de Dieu. Les hommes et les femmes deviennent les partenaires de Dieu dans cette gestion de la création. Évidemment, ça ne signifie pas que ça nous donne le droit de tout faire. Vous savez, il y a plusieurs qui disent que c'est un peu à cause de ce verset-là qu'on a abusé l'environnement comme on l'a fait. Je ne suis pas convaincu que ce soit à cause de ce verset-là. Je pense qu'il y a d'autres raisons. Mais ce n'est pas ce que ce verset-là suggère. Ce passage-là ne nous donne pas la permission de tout faire ce qu'on veut, d'abuser, d'exploiter la création, loin de là. L'image de Dieu en l'homme fait allusion au rôle que Dieu attribue à l'humanité, dans ce sens que l'humanité est appelée à représenter Dieu comme un représentant doit représenter un bon roi. Vous savez, au Proche-Orient ancien, là, on avait cet idéal du bon roi. En Israël, on l'avait aussi. Le bon roi, là, c'est celui qui s'occupe du bien-être de son royaume. C'est celui qui aime ses sujets. C'est celui qui fait en sorte que le royaume est prospère. Vous vous souvenez du Dieu, comment ça s'appelait, le Roi Lion, hein, le film par Walt Disney là, qui a passé quelques années, vous en souvenez-vous? Vous savez, le film commence bien, hein, il y a un bon roi, là, il y a un bon lion qui est roi, puis sous son règne, hein, le royaume prospère, hein, c'est extraordinaire. Tout est vert, il y a de la prospérité, il y a une joie, il y a un shalom, hein, comme ils disent en hébreu. Puis là, tout d'un coup, le méchant frère, il y en a toujours un. Moi aussi, j'en ai un. Mon frère Jean. Moi, je suis le bon, lui, c'est le méchant. On essaie de clarifier ça. Hein? Il y en a un méchant frère qui décide qu'il veut le pouvoir. Il fait tuer son frère, le roi, et il prend le pouvoir. Qu'est-ce qui arrive quand le méchant frère prend le pouvoir? Le royaume en souffre. C'est le chaos, c'est le désordre, c'est la mort. Ben, avec le bon roi, le royaume était orienté vers la vie, vers la prospérité. Avec le méchant frère, le méchant roi, le mauvais roi, le royaume, comme un grand navire, s'oriente tranquillement vers la mort, vers la destruction. Ces deux rois-là sont des figures, hein, qu'on peut retrouver en Israël et au Proche-Orient ancien. La figure du bon roi et la figure du mauvais roi. Dans ce texte, l'être humain est appelé à agir comme agirait un bon roi, à gérer avec sagesse la création qui nous est donnée. Ce n'est pas une permission du tout ici pour abuser ou exploiter la création. Comprendre ainsi l'image de Dieu a une implication éthique. Parce que si on ne définit pas l'image de Dieu en termes simplement de qualité, de caractéristiques comme l'intelligence, la créativité et ainsi de suite, mais qu'on la définit en termes d'un mandat qui est donné à la race humaine et qui s'applique à chaque membre de la race humaine, ça signifie que dans la mesure où on peut bien identifier que vous faites partie de la race humaine, c'est-à-dire dans la mesure où vous êtes né d'une femme, vous êtes à l'image de Dieu. Que vous soyez handicapé mentalement ou pas, vous êtes à l'image de Dieu et vous bénéficiez de la protection qu'implique le fait que nous soyons à l'image de Dieu. Qu'on soit créatif ou pas, qu'on n'ait aucune capacité intellectuelle, qu'on n'ait aucune capacité émotive, dans la mesure où nous sommes nés d'une femme, d'une personne humaine, nous sommes à l'image de Dieu. C'est très différent en termes de notion. Pour le niveau éthique, ça a des implications très différentes que si on définit l'image de Dieu simplement en termes de caractéristiques, en termes de fonction. Pensons maintenant au chapitre 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Au Proche-Orient ancien, laissez-moi changer. Au Proche-Orient ancien, la femme, généralement, ne bénéficie pas du plein statut d'être humain. Ni l'esclave, d'ailleurs, ni l'enfant. Ce sont des gens de seconde classe, pour ainsi dire. Des gens qui ne bénéficient pas de la pleine protection de la loi, qui ne sont pas considérés du point de vue de la loi, comme des personnes humaines de plein droit. Notre texte ici enseigne, dans les versets 27 à 28, que tous les êtres humains sont à l'image de Dieu. Notre texte enseigne que tous les hommes et toutes les femmes, peu importe leur couleur, leur classe sociale, leur sexe, sont des êtres humains et bénéficient de la pleine protection que ça implique. Au Proche-Orient ancien, on avait un code de loi qui était bien connu, le code d'Hammurabi. Vous en avez peut-être entendu parler, là, environ de 1650 ou à peu près. Et dans ce code d'Amourabi, il y a des lois. Il y a des lois casuistiques, particulièrement si quelqu'un fait telle chose, voici ce qui va arriver. Et l'application de la loi dépend du statut social de la personne qui est visée. Ainsi, si, par exemple, vous êtes médecin et vous êtes appelé à faire une intervention chirurgicale délicate sur la personne d'un esclave, par exemple. Vous savez, des fois, les gens avaient des maux de tête, là, puis il fallait faire des trous dans le crâne là, pour faire sortir la pression un petit peu. Là, hein? Ou des fois, il fallait faire des opérations à l'œil. Là, puis si, par malheur, vous creviez l'œil de l'esclave, bon, tout ce que vous aviez à faire, c'était payer une certaine compensation monétaire. Et c'est comme si, par exemple, on vous demandait de réparer une machine à laver, puis, bon, vous m'offrez le coup, la machine à laver est finie. Ben, tout ce que vous avez, tout ce qu'on va vous demander de faire, finalement, c'est de remplacer la machine à laver. Et si vous êtes médecin, et on vous demande de faire une intervention chirurgicale semblable sur la personne d'un dignitaire, par exemple, et là, vous faites une erreur, vous crevez l'œil. Savez-vous ce qui se produit à ce moment-là? Oui. Vous crevez un œil, on vous coupe une main. Main droite. Ça, pour un chirurgien, habituellement, ça, c'est... Bon, hein, ça devient difficile après de pratiquer. Si, par exemple, vous construisez une maison et vous ne faites pas un bon travail, là, tu sais, vous avez fait ça vite un petit peu, la maison s'écroule. Et si l'enfant d'un dignitaire est dans la maison, l'enfant est tué, alors, à ce moment-là, on exige que l'enfant du constructeur, du charpentier, soit lui aussi mis à mort. Si c'est l'enfant d'un esclave, on paye une compensation. Voyez-vous ce qui se produit? Dans Mésopotamie, dans le code d'Amourabi, les gens, la valeur des gens dépend de leur situation sociale, de leur position sociale. En Israël, la valeur des gens ne dépend pas de leur position sociale, elle dépend de leur statut d'être humain. C'est-à-dire, dans la mesure où on a un être humain, il bénéficie de toutes les protections que la loi accorde. C'est révolutionnaire. C'est un changement radical de ce qu'on connaît en Mésopotamie. Le texte de la Genèse offre à tous les hommes et à toutes les femmes une dignité profonde et une liberté profonde. Puis ça, on va y revenir dans quelques minutes. Vous commencez-vous à voir pourquoi ce texte-là est subversif? C'est très dangereux pour un texte comme ça de faire son apparition dans une culture donnée, et au Proche-Orient ancien surtout, parce que, vous savez, la structure du Proche-Orient ancien ou la société du Proche-Orient ancien est faite en pyramide. C'est-à-dire qu'on a une élite dans le haut de la pyramide et on a une population générale là, qui essentiellement vit dans la misère, dans des conditions d'esclavage ou à peu près. Mais là, la survie de cette société-là dépend du statut de ces gens-là, de la bonne volonté de ces gens-là de vivre dans des conditions comme celle-là. Voyez-vous? C'est pour ça que les mythes disent et répètent constamment que l'être humain est un esclave. C'est une façon de vendre leur salade. C'est une façon de maintenir le statu quo d'exploitation qu'on retrouve dans ces sociétés-là. Si vous arrivez avec un texte comme ça, un texte qui affirme la dignité humaine de tous les êtres humains, vous mettez en danger la structure même de ces sociétés-là. C'est très dangereux. C'est pour ça que Jésus, on l'a haï. C'est pour ça que Jésus, on l'a tué, parce que Jésus reprenait ces concepts-là et affirmait la pleine dignité des hommes et des femmes. Alors que dans l'Empire romain, ce qu'on voulait faire, c'était déshumaniser, réduire l'être humain à un animal, à quelque chose qu'on amuse, parce que c'est plus facile de contrôler des animaux. Hein? C'est pour ça que les Romains, le cirque et le pain, hein? On va les garder amusés, là, on va leur montrer des bons shows, là. Puis tant et autant qu'on les distrait, ils ne penseront pas à la philosophie, ils ne penseront pas aux grandes causes sociales, on va les garder hein, tranquilles. Les choses. L'Empire romain va rester stable. Puis là, Jésus arrive avec ses grandes idées, là, tu sais. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est terrible! Tu ne peux plus contrôler des gens qui se mettent à réfléchir. des gens qui pensent au texte puis aux implications d'un texte comme celui-là, des gens qui nourrissent leur âme et non seulement leur corps. C'est très dur à contrôler. C'est pour ça que Jésus était menaçant. Hein? Oh, de quoi est-ce qu'il parle, lui-là, là? Il remettait, Jésus menaçait les fondements même de l'Empire romain, les structures de son époque. Le texte de la Genèse agit comme un acide sur les structures d'exploitation et de déshumanisation qu'on recrée de génération en génération. Chapitre 2, versets 15 à 17. Un autre texte intéressant, mais un texte qu'il faut lire un petit peu différemment ici, là. 2.15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. » Ici, on a un texte, si, comme je vous le suggère, les textes de la création sont des textes fondateurs. On a ici un mandat qui est donné à Adam et Ève, mais étant donné que c'est un texte fondateur, c'est un mandat qui n'est pas juste donné à Adam et Ève, mais on peut lire là un mandat qui s'adresse à la race humaine. Hein, c'est comme si Dieu disait, voici maintenant ce que je veux que vous fassiez. Regardons les trois parties du mandat. Bon, tout d'abord, le mandat en tant que tel, le texte nous rappelle que Dieu n'a pas créé l'être humain simplement pour décorer la création ou pour meubler la création. Vous vous souvenez au Proche-Orient ancien, l'être humain est créé, pourquoi? Pour servir, pour être les esclaves des dieux, en longtemps qu'ils vivent. Quand ils sont morts, c'est fini, on va en chercher d'autres. Okay? Ben, en fait, il ne fallait pas déranger les dieux. Dans un mythe, dans le Gilgamesh, dans l'épique de Gilgamesh, dans l'épopée de Gilgamesh, si je me souviens bien, à un moment donné, vous savez, les êtres humains, on se reproduit vite, hein? Tu sais, au début, les dieux n'avaient pas pensé aux implications que ça pourrait avoir, cela, là. On crée l'homme, la femme, puis ils nous servent, puis ils nous nourrissent, ils nous font boire. Mais là, tout d'un coup, l'humanité, il commence à se reproduire. Puis là, les gens, qu'est-ce que ça fait? Les enfants, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bruit! Puis là, les dieux ne pouvaient plus dormir! Ils étaient incapables de dormir parce que les êtres humains faisaient du bruit, puis ils faisaient du bruit, puis c'était bruyant, puis ils faisaient jouer de la musique, puis les stéréos, tout ça. Puis là, les dieux se mettent en colère et décident de détruire l'homme parce qu'ils dérangent le sommeil des dieux. Voyez-vous le genre de mentalité dans lequel on est? Ici, Moïse veut donner une autre compréhension de cette relation entre Dieu et l'humanité. Bon, tout d'abord, il ne veut pas que l'homme soit simplement une décoration dans la création. L'humanité est invitée à jouer un rôle actif dans la création, c'est-à-dire s'occuper du jardin, puis si on voit un peu le symbolisme de tout ça, s'occuper de la création, devenir partenaire avec Dieu dans la gestion de l'univers, dans la gestion du monde. Dieu nous accorde un mandat, et quand on accorde un mandat à quelqu'un, il faut absolument lui donner les moyens. Okay? Tu ne peux pas demander à quelqu'un de créer une compagnie si tu ne lui donnes pas un peu d'argent pour travailler, un peu de capital. Okay? Fait que Dieu dit, voici, vous pouvez utiliser tout ce qui est dans le jardin. Tu pourras manger de tous les fruits du jardin. Dieu donne une pleine autorité à l'être humain pour accomplir le mandat. Mais, verset 17, il faut que ça se fasse dans un cadre. Hein? Il y a certains paramètres au mandat que Dieu accorde à l'être humain. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Laissez-moi essayer de vous expliquer ce que je veux dire. C'est un peu comme si Dieu avait créé une compagnie. Puis la compagnie, elle a une certaine mission. Ça, c'est un mot que j'ai appris de mon collègue, Jean Théoret. Pendant les 10 années, j'ai travaillé avec lui. C'est un spécialiste en administration, l'éducation, puis concept comme mission. Très important. Et ça, j'ai imbibé, j'ai absorbé comme une éponge ces concepts-là. Beaucoup appris. Je n'ai pas fait de doctorat là-dedans, mais j'ai l'impression d'en avoir fait un. Merci, Jean. Dieu crée cette compagnie. Cette compagnie-là a une mission. Dieu choisit des partenaires pour travailler avec lui dans cette compagnie. Pas des esclaves. Vous savez, au Proche-Orient ancien, l'être humain est un esclave. dans la vision biblique, il est un partenaire, un peu plus comme un cadre qu'un employé. Vous savez, c'est la différence. Et si vous travaillez pour GM, il y a deux endroits, je pense, où vous pouvez travailler. Vous pouvez travailler sur la chaîne d'assemblage. Puis là, on ne vous demande pas de prendre trop d'initiatives, je pense. Hein? Si votre tâche, c'est d'installer des pare-chocs, bien, du jour au lendemain, vous ne pouvez pas décider d'aller installer des pare-brises à la place des pare-chocs. C'est peut-être plus joli, là, d'avoir des pare-brises, mais, hein? Mais vous ne pouvez pas. Votre tâche, c'est d'installer, vous rentrez à 8 heures, vous sortez à 5 heures, puis c'est tout ce qu'on vous demande de faire, hein? C'est un peu, c'est pas de l'esclavage, mais vous avez pas, on vous demande pas de prendre l'initiative. Vous faites ce que vous faites, ce que vous avez à faire, c'est tout. Bon. Mais dans notre exemple, dans cette compagnie, Dieu n'appelle pas l'être humain à travailler sur la chaîne d'assemblage. Il appelle l'être humain à devenir un cadre. Puis un cadre, là, ça a une fonction très différente de l'employé qui est payé à l'heure. Le cadre doit prendre des décisions. Il doit comprendre la mission de la compagnie. Il doit... c'était quoi l'expression que Jean utilisait, là? Il y a des missions, il y a des objectifs. Il y a... Ensuite, quand on implemente, là, l'opérationnalisation, hein? On opérationnalise les objectifs généraux, les objectifs spécifiques. Et ça, c'est les cadres qui pensent à ça, hein? C'est extraordinaire dans un certain sens. Il faut faire preuve de créativité, d'intelligence, d'initiative. Il faut être prêt à prendre des risques. Mais, si vous êtes vice-président, il ne faut jamais perdre de vue la mission établie par le président. Si la mission de GM, c'est de construire des voitures, il ne faut pas du jour au lendemain que le vice-président s'imagine qu'il peut se mettre à construire des machines à laver. Parce qu'il aime mieux les machines à laver que des voitures. Tu sais, il y en a qui sont obsédés par la machine à laver, hein? Je viens d'acheter une, moi, flambant neuve. Je vais l'avoir marché des fois. C'est parce que... Oui, c'est parce que ma vieille, elle dansait, hein? Elle faisait du bruit, tu l'entendais marcher, là, tu pensais qu'il y avait un train qui... Fait que là, c'est le fun de voir cette petite machine-là. Je suis tellement impressionné, moi, par ça. Vous savez, le cadre, il peut pas, le vice-président ne peut pas décider du jour au lendemain qu'il va se mettre à construire des machines à laver plutôt que des voitures. La minute qu'une machine à laver qui sort de la chaîne d'assemblage avec des roues, le président le fait venir et il dit, écoute, t'as mangé du mauvais fruit, là. T'es maudit, il m'a de sortir du paradis. Il doit aller travailler pour McDonald's ou quelque chose. OK? Comprenez-vous un peu ce qui se produit? C'est ça que Dieu appelle l'être humain à faire. Les implications de ça sont tout à fait extraordinaires. Pensez juste à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Moi, quand je suis venu au Seigneur, hein, à l'âge de 16 ans, là, souvent les gens me disaient, je suis l'outil de Dieu. Je fais ce que Dieu me demande de faire et rien d'autre. C'est un peu le marteau de Dieu, le tournevis de Dieu. Hein? Moi, ça ne m'a jamais emballé, là, disons, personnellement, tournevis, là. Gros chien à chaîne, là, oui, c'est intéressant, tu sais. Tournevis, ça fait mlette un peu. Gros marteau, oui, ça aussi, c'est bon. Mais, ça ne m'a jamais attiré, ça, moi. Parce que dans une telle vision, bien aujourd'hui? Oui. Alors, je vais vous re-souhaiter encore une fois une cordiale bienvenue. Aujourd'hui, c'est la suite de notre conférence d'hier et toujours sur le thème « Un nouveau regard sur